Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le naufrage de l'Empress of Ireland en 1914. Un vieil homme se maintenait à la surface en s'agrippant à notre embarcation. Durant ce temps, un des passagers essayait de faire lâcher prise au vieillard en le frappant. La personne en charge de l'embarcation s'est alors retournée et a assommé son passager en le laissant tomber au fond de la chaloupe. Puis, l'officier s'est occupé de retirer l'autre de la mer. Il fit asseoir le rescapé près de moi, où il décéda quelques minutes plus tard. Burt Greenaway, qu'on entend à l'émission Contre-champ en 1986, fait partie des 465 survivants du naufrage de l'Empress of Ireland, survenu dans la nuit du 28 au 29 mai 1914. Cette nuit-là, plus de 1000 personnes, 1012 personnes plus précisément, vont perdre la vie dans ce qui reste la plus importante catastrophe maritime de toute l'histoire du pays. Le 28 mai, à 16h, 4h de l'après-midi, 28 mai qui était un jeudi. Alors, il faisait beau cet après-midi-là, évidemment. Tous les passagers étaient à bord, les gens sur le quai pour envoyer la main, et ainsi de suite. Et puis, la température s'annonçait très belle, quoique assez fraîche, mais le temps était beau. Alors, c'est comme ça qu'a eu lieu le départ. Et puis, personne ne pouvait penser que, dans quelques heures, finalement, il serait rendu au fond de l'eau. Alors, la brume est apparue très peu de temps avant la collision, finalement. Comme l'Empress quittait la côte, passait au large de l'église de Sainte-Luce, par exemple, bien, ils ont aperçu des lumières un petit peu à l'est. C'était le navire Starstad, celui qui l'a frappé. C'était le navire Starstad qui montait un peu plus près de la côte, puis qui s'en venait. Alors, ils ont vu les lumières de course du bateau. Donc, il n'y avait pas de brume encore à ce moment-là. Ce n'est qu'un petit peu plus tard, lorsque les navires étaient peut-être à 3000 un de l'autre, qu'un vent de brume est venu s'infiltrer, là, puis qui a recouvert tout ça, les deux navires et puis tout l'espace qui avait entre les deux. Le commandant Donald Tremblay à l'émission « Chacun son tour » en juillet 1981. Pour nous rappeler cette histoire du célèbre naufrage de l'Empress of Ireland, je reçois John Willis, qui est conservateur en histoire économique au Musée canadien de l'histoire. Il a co-réalisé une exposition consacrée à l'Empress of Ireland il y a quelques années au musée. Auteur également du livre « Empress of Ireland, le Titanic canadien ». John Willis, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle importance ça a? Je le disais, c'est encore aujourd'hui la plus importante catastrophe maritime de notre histoire. Quelle importance a ce naufrage de Empress of Ireland dans l'histoire du pays. Qu'est-ce que ça nous dit aussi, John Willis, sur le Canada de l'époque, le Canada de 1914, ce naufrage-là? Mais je commencerai avec c'est quoi le Canada de cette époque-là, parce qu'elle signifie un moment dans le temps où le pays est en croissance sur toute la ligne. L'occupation des nouvelles terres dans l'Ouest, la construction ferroviaire, la croissance industrielle et surtout la croissance de l'immigration qui amène les gens. Et ces gens arrivent au pays en paquebot. Ouais. Et donc, l'Empress, qui appartient à la Compagnie canadienne Pacifique, est dans le business de transport des migrants. Aussi, oui. Ben, en fait, surtout, parce qu'on a, quand on pense à ces grands paquebots, c'est l'âge d'or des paquebots, on pense à cette aristocratie qui voyage, qui traverse l'Atlantique. Mais au fond, la majorité des passagers de ces paquebots-là, c'est des gens qui migrent. Oui, il faut rétablir les pendules à l'heure. C'est pas une expérience, une aventure noble que de se promener en bateau exclusivement. C'est surtout un business de transport de personnes de point A à point B et parfois de point B à point A. C'est-à-dire qu'on emmène les immigrants de l'Europe en direction de l'Amérique du Nord et les immigrants, une fois arrivés ici, souvent, ils retournent d'où ils sont venus parce que c'était pas un succès, l'immigration. Rappelons aussi que la Canadien Pacifique, qui est le propriétaire du Empress of Ireland et toute une flotte de bateaux qui opère dans l'Atlantique, est une compagnie qui a misé sur la voie maritime du Saint-Laurent pour apporter le monde en Amérique du Nord ou repartir avec eux en destination de Liverpool ou d'autres d'autre part en Europe. Alors que bon nombre de compagnies très actives à cette époque-là, et la compétition est féroce entre les Américains, les Anglais et les Allemands, le port principal, c'est New York. Mais CP a dit non, j'utilise pas New York, j'évite New York, j'utilise la voie maritime. Et dans leur publicité d'époque, ils vont dire seulement 4 jours en mer. Ça, c'est parce qu'ils ont passé 2 jours sur le fleuve. Revenons sur l'accident comme tel. Votre livre, le livre que vous avez écrit sur le naufrage de l'Empress of Ireland s'appelle Empress of Ireland, le Titanic canadien. Comment ça se compare? Parce que pour nous, c'est le plus gros accident maritime de l'histoire, l'Empress of Ireland, mais évidemment, celui qui nous vient tout de suite en tête quand on pense à ces accidents dans le monde, c'est Titanic. Comment ça se compare, ces deux naufrages, John Wallace? Disons que dans le cas de l'Empress of Ireland, il y a une perte un peu plus que 1000 personnes. Dans le cas du Titanic, c'est 1500 personnes. Les comparaisons sont intéressantes et peut-être nous expliquent pourquoi ça a été plus médiatisé, le cas du Titanic. Le cas du Titanic s'en va à New York. Les gros journaux en Amérique du Nord sont à New York. Il y a beaucoup d'Américains à bord, beaucoup de gens bien en vue de l'Angleterre à bord aussi. C'est une sorte de crise médiatisée et vécue comme telle à travers tout le monde occidental. Oui. Le cas de l'Empress qui se déroule dans un endroit où même les journaux canadiens ne savent pas où c'est sur la carte, oui, c'est-à-dire au large, c'est plus sur mer, est moins bien connu, quoique très médiatisé à cette époque-là. C'est dans les journaux de l'Australie, des États-Unis. On envoie des journalistes ici. Le Toronto Star envoie du monde sur les lieux à Pointe-au-Père pour suivre ça. Mais c'est une crise qui est éclipsée par l'avènement de la Première Guerre mondiale. Oui. Ça, évidemment, ça va jeter de l'ombre sur ce naufrage-là. Parlons un petit peu du navire comme tel. On l'a évoqué, il y en a plusieurs. Le CP a plusieurs paquebots. C'est l'âge d'or des paquebots. Ça circule beaucoup entre l'Atlantique et l'Europe. L'Empress of Ireland, parlez-moi un peu de l'histoire, oui, du navire. C'est un navire qui s'inscrit dans une stratégie de développement d'une flotte de paquebots qui pouvant opérer entre l'Europe et le Canada via la voie maritime du Saint-Laurent. En hiver, on passe soit par Halifax ou Saint-Jean de Terre-Neuve. Hein? Mais on ne passe pas aux États-Unis. C'est un vaisseau qui est plus petit, si vous voulez, que si on compare les deux Empress puis Titanic. Oui. L'Empress, c'est 170 mètres de long, alors que le Titanic, c'est 269 mètres de long. Le Titanic est ce qu'on appelle, excusez l'expression, un gas guzzler. Il consomme du charbon comme ôtez-vous de là. Alors que les vaisseaux de l'Empress, en suivant la ligne établie par le chef du CP, Shaughnessy, ce sont des vaisseaux plus économes, oui, de charbon. Oui. Le charbon, c'est le nerf de la guerre à cette époque-là. Les vaisseaux carburent au charbon. Et donc, ce sont des vaisseaux un petit peu plus compacts. Ça coûte moins cher acheter un billet sur un vaisseau de la CP, oui, que sur, par exemple, la Titanic en partance de New York. Ce qui explique pourquoi il y a bon nombre d'Américains qui vont voyager pour repartir chez eux s'ils sont des immigrants aux États-Unis. Ils vont passer par le Canada, ouais, pour retourner chez eux. Il y a un petit frère, l'Empress of Ireland. Il est construit, il prend la mer en 1900. Empress of Britain, deux bateaux à peu près similaires. Oui, qui, ouais, sont construits au Fairfield. C'est un chantier de construction navale tout près de Glasgow, Govan. Et ce sont les maîtres de la construction navale mécanisée à cette époque-là. Ouais. Parlez-nous un petit peu, il prend la mer pour une première fois en 1906, l'Empress of Ireland. Parlez-nous un petit peu de comment ça se passe, ces traversées de l'Atlantique. À quoi ça peut ressembler, la vie à bord de l'Empress of Ireland pendant qu'on traverse l'Atlantique? On parle d'une traversée d'une durée d'un peu moins d'une semaine, 6 jours. Donc, ça donne le temps aux gens de se connaître, s'ils ont envie de se connaître. Mm-hmm. Il faut dire qu'il y a des règles de comportement qui sont établies à bord de ces vaisseaux-là. La première classe ne se mêle pas avec la canaille, c'est-à-dire la troisième classe. Deuxième classe, c'est un peu, peut aller dans un sens ou dans l'autre. Mais les séparations entre les couches au sein du bateau sont importantes. On mange dans des endroits différents. Les seuls endroits où on peut, tout le monde, tous les passagers de toute classe confondus peuvent se rencontrer, c'est parfois soit lors d'une messe ou une service religieuse ou à l'occasion des vœux, du cinéma, parce qu'on commence à montrer du cinéma dans les paquebots à cette époque-là. Mais sinon, c'est deux mondes complètement à part. Ce sont des mondes et je connais plusieurs anecdotes où des gens qui voulaient se cacher de la parenté pouvaient s'arranger avec les gens du bateau pour dire « Cachez-moi si vous voulez, je ne veux pas que ma belle-mère me voie. » Puis on trouvait le moyen de le faire. Oui. Parlons un petit peu du dernier voyage. De qui va se retrouver à bord de l'Empress of Ireland cette année-là pour ce voyage fatidique? Ceci me ramène presque à ce que j'ai voulu dire tantôt, parce que pourquoi c'est important, l'Empress? L'Empress a au total à peu près 1057 passagers à bord, dont 717, la vaste majorité, en troisième classe. Ce sont pour la plupart des immigrants qui retournent chez eux, soit en Angleterre, la majeure partie de ces gens-là provient de l'Angleterre, mais il y a deux autres, si vous voulez, groupes importants qui s'en vont à l'Empire austro-hongrois ou soit en direction de l'Empire russe. Il y a beaucoup de Finlandais à bord ce vaisseau-là. Ensuite, il y a des groupes d'Italiens, d'Allemands, et ainsi de suite. Mais le gros, ce sont des immigrants anglais. Et je ne cesse de répéter ça. Ceci n'est pas un grand success story où on arrive au pays, puis on peuple le pays, et le pays est à eux. C'est presque un constat d'échec. Oui. Ces gens retournent chez eux. Il y a du monde à bord qui ont 2000 piastres cachés dans une ceinture d'argent sur eux. C'est du monde qui s'en allait au Finlande avec son mari, sa femme et son jeune enfant. Mais est-ce que ça veut dire que ce gars-là retourne à Helsinki pour de bon? Je me dis, c'est fort possible. Oui. Parce que ça, vous le faites bien de le rappeler, ça circule dans les deux sens constamment à cette époque-là. L'Atlantique est un boulevard à double sens. Ouais. Revenons sur ce fameux voyage fatidique. C'est vers 16h, le 28 mai 1914, donc, que l'Empress of Ireland commence son dernier voyage. Et dans cette nuit, du 28 au 29 mai, le navire va entrer en collision avec un charbonnier norvégien. Il y a des bandes brouillard qui traversent le fleuve cette nuit-là. On écoute le commandant Donald Tremblay qui raconte comment, justement, se produit l'accident à l'émission Chacun son tour en 1981. Lorsque les navires se sont observés avant le banc de brume, ils n'étaient pas sur une course de collision. Quand on parle d'une course de collision, ça veut dire que si on continue de la même façon, les deux navires, on va se frapper. Non, ils n'étaient pas dans une course de collision. Lorsqu'ils ont été dans la brume, il y en a un des deux qui a changé de course ou qui a fait des manœuvres quelconques. Mais lorsque Sostad a frappé dans le côté de l'Empress, je veux dire à peu près au milieu, peut-être un petit peu à l'arrière du milieu de l'Empress, du côté tribord, du côté droit, les gens d'Empress ont dit au Sostad, ben faites marche avant pour rester dans le trou. Dans ce temps-là, ben il n'y avait pas de système de communication comme aujourd'hui, mais il y avait des porte-voix, il y avait des choses comme ça, ils pouvaient se parler. Alors, le Sostad, lui, le capitaine a dit, on n'a pas pu rester dans le trou parce que l'Empress avançait encore trop vite et puis sa vitesse a fait que ça a sorti du trou, on n'a pas pu rester là. Alors là encore, c'était pas tout à fait sûr que l'Empress était arrêtée ou pas arrêtée. Il reste que le Sostad lui a perdu l'Empress de vue dans la brume après. Il y a eu la collision, puis il a vu les lumières s'éloigner, puis il n'y avait plus rien. Il a dit, bon, ben, c'est arrivé tellement vite, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'on coule, ils sont allés voir, ils coulaient pas. Puis à un moment donné, ils ont entendu des cris. Puis ils se sont rapprochés un peu de ces cris-là. Ils ont mis chaloupe à l'eau, le Sostad. Puis c'est le Sostad, finalement, qui a sauvé le plus de gens de l'Empress, là, qui étaient déjà dans l'eau. Là. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans cette fameuse nuit du 28 au 29 mai sur le Saint-Laurent, du 28 au 29 mai 1914, John Willis? Mais voici une série de mauvaises coïncidences se sont passées. D'abord, l'Empress devait quitter le port de Québec à 15h. Il est parti à 16h30. C'en est assez pour se dire, mon Dieu, il n'y aurait jamais eu de collision avec l'autre vaisseau s'il était parti à l'heure. Mais laissons ça de côté. Il descend, comme à l'habitude, par la voie de la rive sud. C'est le chenal de la rive sud que emploient les paquebots à cette époque-là et tous les grands bateaux et paquebots à cette époque-là. Il sort d'une série d'archipels, en quelque sorte, qui pullulent ici le long du fleuve. La dernière île est en Saint-Barnabé, au large de Rimouski. Et c'est près de Rimouski, à Pointe-au-Pac, on va laisser Adolard Bernier, le pilote. Il a laissé son pilote. Il doit se rapprocher un peu de Pointe-au-Père pour laisser le pilote. Il a ralenti auparavant au large de Rimouski pour laisser du courrier ou ramasser du courrier vis-à-vis du bateau qui est affecté à ça de Rimouski. Et le capitaine prend le contrôle du bateau depuis que le pilote est débarqué. Oui. Et c'est lui qui décide, j'entreprends d'aller dans ce sens-là, et c'est lui qui décide qu'il va dans ce sens-là, et à mon avis, tout de suite là, se commet l'erreur, c'est qu'il est trop proche de la rive. Il est trop proche de la rive, mais en même temps, il considère que l'autre vaisseau qui a besoin de venir chercher, qui remonte le fleuve, le Storstad, chargé avec 10 000 tonnes de charbon, va passer à l'intérieur du côté sud de ce vaisseau-là. Mais il était lui-même trop près. Ouais. Je considère. Il y a beaucoup de suppositions qu'on peut dire. Tant que l'équipe archéologique, aquatique et spécialiste de Parc Canada ne sont pas descendus en bas, parce qu'ils peuvent le faire, ils n'ont pas le temps, mais ils peuvent le faire, tant qu'ils n'ont pas été en bas pour scruter exactement où est le trou, un trou de 35 mètres carrés, hein? C'est pas un petit trou. On demande des fois pourquoi le vaisseau coule dans seulement 15 minutes, mais c'est parce que le trou est de 35 mètres carrés, c'est à peu près 5 par 6 ou 7 par 7, alors ça descend vite. Ouais. Et elle a descendu sur son côté, et étant donné que c'est en dedans de 15 minutes, la majeure partie des gens à bord du bateau n'ont pas le temps de se lever et de se sauver. Ouais. Eux, les membres de l'équipage, dont le pourcentage de gens qui sont sauvés est beaucoup plus élevé, à 60 % d'équipage, ouais. C'est parce qu'il y a déjà à peu près 100, 150 personnes debout qui travaillent à un aspect ou l'autre du vaisseau. Puis là, on réveille tout le monde. Réveille sur le pont tout de suite. Ouais. Bon, je comprends que le parcours, erreur probablement de pilotage, trop proche de la rive, en même temps, le fameux brouillard, la brume, dont parlait le commandant Tremblay, quel impact ça a eu? Oh, le brouillard est très important. Il suffit d'être là, sur place. J'ai déjà été sur le dessus du pic Champlain pour voir les bancs de brouillard qui passent. Il y a toutes sortes de bancs de brouillard, hein? Des petits bancs, pas épais, et d'autres très épais. Le fleuve est nordique dans ces alentours-là. C'est pas un paysage des basses terres. Et donc, le temps frais, il vient. Oui. Et c'est ça qui cause les brouillards. Il y a d'autres facteurs, comme si vous êtes au large du Saguenay. Là, il y a beaucoup de brouillard. Alors, le brouillard est un facteur important parce qu'il empêche les deux vaisseaux de se voir. Oui. Parce qu'on a de la difficulté à se parler. Il n'y a pas de quoique l'Empress a un télégraphe sans fil, un TSF, là, l'autre, ils n'ont pas l'habitude de se parler par ce moyen de communication-là. On se parle avec des beeps, on toute la horn, comme on dit en français. Ouais. Et il y a une malentendu entre les deux. Le Empress disant que je recule, et il toute sa horn pour dire ça. L'autre dit je maintiens ma direction. Il toute la horn dans ce sens-là. Ouais. Mais chacun va changer d'avis. Hey. Alors, le Storstad tourne à droite et notre Empress, lui, prétend qu'il est resté immobile dans le fleuve. Ce qui est tout à fait impossible parce que la marée baissait. Ouais. Donc, encore des mystères autant d'années plus tard. Tout ça pour dire, vous l'avez dit, on a des images en tête, ça va très, très, très vite. Le bateau coule en 15 minutes, c'est la catastrophe, les gens se retrouvent à la mer. Et c'est à Rimouski que vont échouer les passagers de l'Empress of Ireland. Beaucoup seront morts après le naufrage du bateau. On écoute le colonel Jean Pinault qui décrit la scène à laquelle on assiste dans les heures qui suivent justement le naufrage du paquebot, extrait de l'émission Aujourd'hui en 1964. La scène qui s'affrite à nos yeux était des plus navrantes. Les survivants parcouraient le quai en tous sens, hommes, femmes et enfants, pleurant et cherchant qui un époux, qui une épouse, qui un père, qui une mère. La confusion était d'autant plus grande que les résidents des environs, notamment ceux de la ville de Rimouski, située à 3 milles de distance, se portaient au secours des sinistrés et accueillaient nombre de femmes et d'enfants dans leurs maisons au fur et à mesure que les embarcations des sauveteurs les déposait sur le quai. Il y avait un petit hangar sur le bout du quai. Les premiers qui sont arrivés, des cadavres qui sont arrivés, ont rempli ce hangar. Ensuite, les autres, au fur et à mesure que les barques de sauvetage les amenaient, étaient étendus sur le quai, face au soleil, épaule à épaule. Pourquoi face au soleil? Eh bien, c'est pour permettre à ceux qui voulaient identifier les leurs qui étaient disparus de pouvoir les voir. Donc, ça va donner, John Willis, sur 1477 passagers, 465 survivants seulement. Il y aura une commission d'enquête qui va être organisée après ce naufrage-là. Quelles leçons vont être tirées du naufrage de l'Empress of Ireland? Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de leçons de tirer dans le court terme de ce désastre. On dirait que la réaction était un peu moins consciente et délibérée que si on le compare avec le Titanic. Suite au Titanic, on décrète après une commission et ainsi de suite qu'il fallait avoir autant et plus de ceintures de sauvetage que du monde à bord. C'était un problème avec le Titanic. Deuxièmement, que la communication par radio, TSF, devrait être ouverte en tout temps. Oui. OK? Alors, au moment de l'Empress, ces deux conditions étaient rencontrées. Mais le problème de base pour l'Empress, c'est le fait que la piste de ceux qui sortaient du fleuve Saint-Laurent et les paquebots qui rentraient dans le fleuve Saint-Laurent, dans la voie maritime, ces pistes-là se croisaient au large de Pointe-au-Père. Et ils n'ont pas établi des corridors très séparés les uns par rapport aux autres, avec des protocoles s'y attendant pour bien séparer les deux lignes, le trafic. Ouais, c'est comme aller sur la 20 puis avoir tout le monde sur la même voie. Ouais. Ça marche pas, ça. Alors, ils ont pas... Et j'ai vu des projets de « on va établir » par la marine canadienne qui disent « on va dorénavant, on va faire ça ». Ils l'ont pas fait. La seule solution ultime va venir à partir des années 30 et 40 lorsqu'on décide qu'on va voyager par le chenal de la rive nord. Oui. Ça va prendre du temps, c'est incroyable. Un petit mot sur ce qui reste physiquement de ce navire-là. Parlez-moi un petit peu de l'épave. Mais il reste... C'est un cimetière, premièrement. Il y a les ossements de plein de personnes qui sont encore là. Il n'y a jamais eu... Alors, il faut traiter cet endroit-là avec la dignité qui lui revient. Les deux niveaux de gouvernement, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, ont décrété que c'est un site historique, oui. Un patrimoine historique, et que les plongeurs et les aventuriers ne touchent plus aux choses qui sont à bord. Alors, ceci a été décrété à la fin des années 1990. Mais l'erreur humaine, ça c'est clair, oui. Qui était au cœur de tout ça, ça aurait pu être évité. Oui. John Willis? Oui, des accidents, ça donne toujours, c'est toujours suite à une erreur humaine. Oui. Conservateur, John Willis, conservateur en histoire économique au Musée canadien de l'Histoire, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.